T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Okay, LSU. You know what's due, this on the way, mate. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Samedi, nous sommes le samedi 3 avril, premier samedi du mois d'avril, premier samedi de printemps, puisqu'on est passé au printemps le 21 mars. Apparemment, c'était le 20 cette année-ci, je ne sais pas pourquoi ça a changé, mais... 20-21 mars, on est au printemps, le soleil est là, et bon, il fait un peu plus froid aujourd'hui que les jours précédents, mais c'est pas grave, hein. Et puis, nous sommes au rendez-vous, nous refleurissons, nous resplendissons, et nous avons pour vous le meilleur de la musique, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, tout cela pendant 1h30. Nous aurons aussi nos rubriques habituelles. Chronique BD notamment, on ira voir aussi au niveau des concerts chez nos partenaires, mais bon, ça reste assez calme hein, en ce moment, vous en doutez bien. Épisode 429 aujourd'hui, donc ça monte aussi. Moi je vous propose de commencer tout de suite avec la musique, pourquoi pas. On va écouter Ulrich Arthuren, un morceau intitulé Prayer Mastered. Bah oui, en ce week-end pascal, pourquoi pas. Et puis avant cela, le groupe I Am a Rocket Ship. Si vous avez suivi l'actualité, on a parlé il y a quelques jours, voire quelques semaines de cela, de l'arrivée du robot, c'était Perseverance, je crois, sur Mars. I Am a Rocket Ship, je suis une fusée spatiale. C'est bien aussi dans le contexte. You're my angel. On était dans le week-end pascal, tu es mon ange. Allez, place à la musique, je me tais et je leur laisse la place, restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusque 18h30. We'll be right back.

l'instant dans nos oreilles, c'était le groupe de Sunny Smiles 3 avec The Girl I Know. Avant cela, c'était un artiste suédois qui s'appelle Ulrik Arturen. Il est né en 1963 à Borås. Et en parlant de la Suède, eh bien, c'est une bonne transition puisque notre powerplay aujourd'hui va nous emmener justement en Suède. Mais ce sera pour dans quelques minutes, 3 minutes 7 secondes exactement, puisque on va encore écouter avant cela le groupe Kelly's Lot avec Lock Me Up. Et puis je vous rappelle aussi, on a commencé la programmation musicale de cette émission avec le groupe I Am a Rocket Ship, You're My Angel. Tiré du dernier album du groupe Kelly's Lot, un album qui s'intitule Another Sky, et on écoutait le morceau Lock Me Up. 17h17, bah oui, il est 17h17, j'espère que vous n'avez pas oublié de changer d'heure le week-end dernier. Enfin bon, après une semaine, je pense que tout le monde est maintenant à la bonne heure. Eh bien, il est grand temps de partir à la découverte de notre album Powerplay aujourd'hui dans cet épisode numéro 429, je vous le rappelle, de Planète Indie. Nous sommes avec vous comme chaque premier samedi du mois, donc entre 17h et 18h30. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, eh bien, nous allons aller en Suède avec un groupe formé en 1999 sous un premier pseudonyme, sous le nom de The Silver Slut. Le groupe, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de groupe? Vous allez comprendre plus tard. Le groupe suédois The Search n'en est pas à son coup d'essai. L'album dont on va... qu'on va découvrir aujourd'hui, cet album Hearts Racing, est en effet la dernière production d'une longue série. Il y a d'abord eu 6 EP sous l'étiquette de Silver Slut entre 1999 et 2003-2004, soit à peu près un EP par an. C'est à peine si l'allure a ralenti suite au changement de dénomination. On compte 11 albums parus depuis 2004, dont notamment Blood Base and Bazaar of Lush Lose Limbs en 2006, Saturnine Songs en 2008, ou encore The Search for Connection, Contact and Community, qui est sorti, lui, en 2011. Toutes ces sorties ont chaque fois été suivies de tournées, bien sûr en Suède, c'est le pays d'origine du groupe, mais aussi dans les pays avoisinants, que ce soit géographiquement ou culturellement parlant, comme le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni. Comme on va le voir dans les minutes qui vont suivre, eh bien, le groupe a subi de profondes transformations tout au long de son histoire, tant dans sa composition que dans ses compositions, même si la colonne vertébrale du groupe, eh bien, elle reste solide. Et bien pour l'heure, je vous propose de faire une première escapade sur ce généreux album. Et je ne mâche pas mes mots en disant généreux, puisque l'album comprend pas moins de 18 morceaux, ce qui est assez rare à l'heure actuelle. Donc, on va en écouter un premier extrait. J'ai sélectionné pour vous In My Restless Dreams, dans mes rêves, et bien sans repos, par le groupe The Search. Si vous nous êtes fidèles, vous savez qu'on les a déjà écoutés dans cette émission, et bien ils ont l'honneur d'être en powerplay ce soir, enfin cette fin d'après-midi, dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Every once in a blue moon, in my restless dreams, I find you a bit as a stranger. As the winds were calling, I think that I know you. Expect you're haunting me for years. What's your name? Did you enter through the material space? Yeah. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette reprise d'un standard des années 80, Mister Mister, c'était le nom du groupe à l'époque. Le morceau c'est Broken Wings, et là c'était repris par Principe Valiente. Et avant cela, on était de nouveau, enfin j'allais dire en plein dans les années 80, en tout cas dans le style années 80 avec le groupe The Search, groupe suédois, qui est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Et on écoutait une composition originale qui s'appelait In My Restless Dreams. On les écoutera encore deux fois d'ici 18h30. Je vous rappelle donc que nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, comme chaque premier samedi du mois. C'est Planet Indie, c'est l'épisode numéro 429. Vous nous écoutez sur RGL, que ce soit sur les fréquences radio, via le câble télédistribution, via le site internet. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre via le site de Planet Indie, www.ilovemusic.ga, et vous pouvez aussi nous écouter via ce canal. Et que vous dire de plus, voilà, c'est qu'on est aussi présent sur Facebook avec le groupe Planet Indie. Bah, rejoignez-nous, hein, on est pas loin de 200 personnes. Il y a beaucoup d'artistes notamment que vous entendez dans cette émission, donc si vous les aimez, eh bien vous pourrez interagir directement avec eux et puis avec nous, et puis vous tenir au courant des dernières nouveautés dans le petit monde de la musique indépendante et de la musique alternative. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que je vous ai mis un lien. J'ai pas trouvé de vidéo pour le groupe The Search. Il y avait j'ai trouvé une vieille vidéo, mais qui n'était plus tellement d'actualité. Donc je vous ai mis un lien vers la page de la maison de disques qui a sorti cet album, et vous pouvez notamment préécouter l'un ou l'autre morceau via ce lien. Donc pour cela, vous nous rejoignez sur le groupe Facebook de Planet Indie. Pour l'heure, eh bien, on poursuit avec un autre artiste au nom, j'allais dire germanique, mais il est plutôt nordique, Knud Odd, Mona Lisa, Mother Earth. Et puis après, on écoutera les Sugar Lime Blue avec Brick Bats, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'espère que non, en tout cas. Tonight I'll spend the night in Mona Lisa's bed. She'll hide this beaten man beneath her innocence. Tonight knows dreams denied in Mona Lisa's mind. We'll ride a drowning world through the cold black sky. My mother, Mona Lisa, my mother, my mother, Mona Lisa. My mind Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is La Catrine, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. There's some things better left unsaid. Below the belt, when seeing red. Beneath the breath, between clenched teeth, a vengeance looms, emotion seeks. To let off steam. We say the things that hurt the ones we love. Aujourd'hui, en ce début d'émission, c'est des morceaux plutôt courts. Ça change d'habitude, je ne me refuse jamais à passer un long morceau. Aujourd'hui, j'ai plutôt sélectionné des morceaux courts. À l'instant, c'était Sugar Lime Blue avec Brick Bats. Et avant cela, Knud Odd, Mona Lisa, Mother Earth. J'espère que la programmation de ce soir vous plaît. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Hein. Vous pouvez nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44 ou alors eh bien, via Facebook ou par email comme vous le sentez. Que vous dire de plus ? Eh bien, au niveau de la programmation des salles de concert qui sont partenaires de Planet Indie. Alors, je vous avais dit que ça allait être probablement très très réduit, comme de fait, puisque le gouvernement luxembourgeois, si je ne m'abuse, a prolongé les mesures de... Comment est-ce qu'on va appeler ça ? Confinement, semi-confinement. En tout cas, les mesures qui prévalent actuellement, si je ne m'abuse, c'est jusqu'au 25 avril. Donc, au niveau des concerts, c'est assez limité en termes d'organisation. Donc, du coup, pour la Rockal, alors le concert qui était prévu ce soir, le concert de RK... ou Arkay, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, est annulé. Pareil pour le concert de 47 Terres du 7 février, pareil pour la venue de IAM qui était programmée le... quand je dis février, pardon, excusez-moi, c'est avril bien entendu qu'il faut comprendre. 16 avril donc, IAM devait venir, et eh bien c'est annulé. 23 avril, c'était POM annulé aussi, et pour l'instant, on est maintenu, en tout cas jusqu'à l'heure actuelle, la représentation du Lac des Cygnes qui doit se tenir le 8 mai. À voir. En tout cas, ce qu'on sait déjà pour le mois de mai, c'est que le concert de Yes, qui était prévu quant à lui le 9 mai, est annulé aussi. Et Yves Barrault est maintenu pour à l'heure actuelle. Donc, ça, on aura l'occasion d'en reparler dans notre prochaine émission. Ce sera le 1er mai, ah bah oui, on va entamer les jours de congé, en tout cas les jours fériés. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui tombent le week-end cette année. Hein. 1er mai, donc ce sera l'épisode numéro 432 Planet Indie. On aura donc l'occasion de faire le point sur les mesures sanitaires, si elles seront prolongées ou pas, pour le mois de mai. Donc rendez-vous à ce moment-là. Et sinon, vous allez voir le site de la salle en question, www.rockal.lu, en tout cas pour les concerts dont on vient de parler. On ira voir ce qui se passe chez Neumünster et à la Culture Fabrique d'ici quelques minutes, en tout cas, avant la fin de cette émission. On va donc poursuivre en musique avant de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle le groupe suédois The Search, avec un album intitulé Heart Racing. On va donc poursuivre avec une autre nouveauté, une nouvelle production du groupe Thrift Bakery, et ça s'appelle Nature Song. Je vous laisse la découvrir. En tout cas, Nature Song, au niveau du printemps, c'est bien. help as the gas begins to swell. Voilà, donc c'est la nouvelle production du groupe Thrift Bakery, et ça s'appelle Nature Song. Retour sur notre album Powerplay, un album intitulé Hearts Racing, par le groupe The Search. Comme vous avez pu le constater, le son de The Search est très orienté années 80, même si c'est peut-être légèrement moins le cas sur cet album que sur les deux précédents. Les guitares reviennent un peu plus sur le devant, au détriment du synthétiseur, et les séquences acoustiques sont clairsemées. Bref, s'il faut s'attendre à toute une série de chansons pop efficaces et dynamiques qui donnent envie de chanter, quelques pistes acoustiques, quelques bizarreries ici et là, et aussi un peu de mid-tempo pour reprendre ses esprits, et bien tout cela, ça complète la recette. Il y a de la place puisque Hearts Racing comporte, je vous le disais tout à l'heure, pas moins de 18 morceaux. À une certaine époque, avec autant de matériel, il y en a à peu près au total pour 1h15 de musique, on en aurait fait un double album pour le prix qui va avec, bien entendu. L'album comprend un hommage au groupe Pulp. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Pulp, c'était l'excellent groupe de pop britannique de Jarvis Cocker, avec le morceau Ghost, tandis que les sections de basse et percussions sur In My Restless Dreams qu'on écoutait tout à l'heure sont inspirées d'un ancien morceau intitulé Panic Attack. Comme on le voit donc, il y a de la continuité dans l'intitulé des titres, puisqu'on continue à y trouver la liste des maladies cardiaques. Bah oui, l'album s'appelle Heart Racing, et puis là on parle de Panic Attack, donc c'est très influencé. Monde médical, hein, tout cela avec ces morceaux de The Search. Je vous propose d'écouter un autre extrait aujourd'hui, ça s'appelle Vacant. Et je vous rappelle donc, je vous l'ai déjà dit suffisamment de fois, hein, le titre de cet album. L'album s'appelle Hearts Racing et c'est sorti chez Eneos Records. Très très bonne maison de disques qui nous a notamment fait découvrir il y a peu Principe Valiente qu'on écoutait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait, je ne reviens plus sur le nom, un autre groupe qu'on a écouté en powerplay. Je refais mes recherches, je vous le redis tout à l'heure, je vous donne la liste des groupes chez Eneos Records, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses et il y en a pour tous les goûts, et les prix qu'ils pratiquent pour leur production sont vraiment très très démocratiques. La plupart du temps même, vous pouvez avoir beaucoup de choses gratuitement si vous le voulez, vous donnez ce que vous voulez en fait pour payer ce que vous téléchargez. Je vais vous redonner plus d'infos après ce morceau de The Search qui s'appelle donc Vacant. C'est notre powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Oh, I see you on the inside. I see you on the other side. Will I see you here again? Will I see you on the inside? Will I see you on the other side? Will I see you here again? For heartache, when your heart is aching more than it can stand, think twice before you reach out and make sure to understand that you'll find someone to love you, that you'll find someone to love, who'll do anything. To move inside your heart, they'll say you make me happy, never want to be apart. Second extrait pour ce soir de cet album Hearts Racing du groupe The Search, c'était Vacant. Alors je vous avais annoncé, enfin j'essaie de retrouver le nom de ce groupe, enfin de cet artiste belge qu'on avait écouté et ça ne me revenait plus, je l'avais sur le bout de la langue, je savais que ça commençait par un A, c'est Art of Empathy bien entendu, donc qui est aussi produit chez Enos et distribué par Enos Records. Et puis il y a d'autres artistes dans leur catalogue, donc Principe Valiente qu'on a écouté tout à l'heure, il y a les Golden Apes qu'on a déjà écouté, notamment comme Powerplay, il y a S, il y a Silver Manon, il y a The Silence Industry, apparemment c'est une nouveauté, je ne les connais pas, Blackie Bluebird qu'on connaît aussi, et puis Art Noir, alors là c'est un autre projet dont je vous parlerai au cours d'une prochaine émission, parce qu'on les écoutera aussi comme Powerplay, ça je vous le garantis, parce que c'est très très bon. Et puis d'autres que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, comme Emerald Part ou Shearer. Je vous rappelle le nom de la maison de disques, c'est eneosrecords.com. Donc si vous allez dans notre groupe Facebook, que vous cliquez sur le lien que je vous ai mis pour The Search, eh bien vous arriverez sur le site d'Eneos Records et vous pourrez découvrir aussi les autres artistes de leur catalogue. Et faites-vous plaisir, parce que je vous dis, il y en a vraiment pour tous les goûts et à des prix plus que démocratiques. Pour l'heure, eh bien, on va poursuivre avec Blues Escape featuring Joanna Lilvik. Ça, on a déjà écouté aussi et c'est très très bon. Trouble in My Mind, et puis on écoutera un petit souvenir avec King King, Nobody Knows Your Name, avant de partir sur notre escale capsule BD. Bonne nouvelle, on va encore tenir au moins tout ce trimestre-ci avec des chroniques BD. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez de quoi je veux vous parler. Allez, tout de suite, Blues Escape avec à la voix Joanna Lilvink, Trouble in My Mind. Thank you. Nobody knows your name. Personne ne connaît ton nom. C'était le groupe King King. 18h04. Eh bien, allons, si vous le voulez bien, faire une petite pause musicale. Et on va faire travailler nos yeux plutôt que nos oreilles maintenant avec notre capsule BD qui nous emmène vers un livre assez épatant aujourd'hui, puisque c'est un livre, croyez-le ou pas, qui mêle à la fois la littérature française et le monde du manga. C'est le titre de cette BD, c'est le même titre que le livre, le roman original, c'est L'Amant. Cochinchine, 1930. Marguerite Duras, 15 ans et demi, sa mère, jeune veuve, tente tant bien que mal d'élever et de faire vivre ses trois enfants avec sa paye d'institutrice. Un jour, sur le bac qui traverse le Mékong, elle emmène au collège où elle est en pension, son attention est attirée par une luxueuse berline dans laquelle se trouve un homme. Il est chinois, très riche, sur le point de suivre la voie qui était tracée depuis toujours pour lui, à savoir épouser une jeune femme de son milieu, que sa famille lui a choisie, et reprendre les affaires familiales. Lorsque leurs regards se croisent, ce sont leurs histoires qui s'entrechoquent. S'ensuit une liaison qui sort des sentiers battus, aux émotions ambiguës, mêlant non seulement l'ivresse des sens et la découverte de nouvelles sensations, mais aussi l'argent, les différences sociales, le doute, la jalousie ou la peur. Cette expérience marquera la jeune femme au plus profond d'elle-même jusqu'à ses derniers souffles, tout autant que son amant. Appréciation personnelle, eh bien, n'ayant ni lu le roman de Marguerite Duras, ni même vu son adaptation cinématographique, Je me garderai bien de faire le moindre commentaire à ce sujet. Kan Takahama, qui a donc dessiné cette BD, a été plongée tout entière dans l'univers de l'amant qu'elle a lu à l'âge de 16 ans, soit à peu près celui de l'héroïne. Elle s'est aussi rendue sur les lieux de l'intrigue dans l'ancienne Indochine française afin de s'imprégner des ambiances locales. Du coup, à en croire les critiques plus et mieux informées, il en ressort que tant la trame que l'atmosphère d'origine semblent bien respectées, même si quelques libertés peuvent avoir été prises, comme le fait de faire du chinois un homme à peine plus âgé que la protagoniste principale, ou celui de volontairement ne pas avoir cherché à faire ressembler celle-ci à la jeune Marguerite. Liberté d'autant plus facile à prendre que Takahama confie que le style d'écriture de Duras n'est pas directif, mais laisse précisément ouverte une large place pour l'interprétation du texte par le lecteur. C'est la première fois qu'une œuvre majeure de la littérature française est adaptée en manga, en version européanisée cependant, avec lecture à l'endroit et dessin en couleur. Ces dernières couleurs sont à dominante jaune, les tons pastels employés, qui font par moments ressembler les dessins de l'aquarelle, combinés avec un recours très fréquent à des cases très larges, apportent de la lenteur, mais pas de la pesanteur, de l'apaisement, de la paix et de la sérénité dans une histoire qui ne devait pas manquer de tension, qu'elle fût nerveuse ou amoureuse. Il se dégage aussi de l'ensemble une agréable nostalgie un peu surannée, une réminiscence d'une époque à jamais disparue, de temps et de mœurs qui semblent incompatibles avec le monde tel que nous le vivons actuellement. Ce n'est pas désagréable. En conclusion, et bien d'une lecture agréable et éthérée, cette adaptation dans l'ensemble fidèle peut constituer une bonne approche d'un roman phare, avec un peu de chance, qui sait si elle ne va pas amener à la littérature classique un nouveau public. Prise isolément, dans l'absolu, cette version manga se laisse lire très facilement, à tel point qu'on aurait aimé voir certains des aspects de cette relation hors norme plus développés, même si la liberté éditoriale n'était évidemment pas extensible à l'infini. Au final, eh bien, profitons de cet agréable moment d'évasion dans le temps et dans l'espace. Je vous rappelle donc le titre, c'est L'Amant. C'est bien sûr une adaptation en BD et même en manga de l'œuvre du même nom de Marguerite Duras. Il y a 155 pages. C'est sorti chez Rue de Sèvres et l'auteur, en tout cas l'auteur de la bande dessinée, c'est Kan Takahama et elle est japonaise si vous voulez vraiment tout savoir. Retour à la musique avec Greg Copeland et Mistaken for Dancing. Where the drive-in has been, the target went in. My, how the past has grown. And good fortune came to Diana and James for reasons that were not their own. You can follow the father, you can follow the sons, you can follow the rolling sea. But how we survive, what we do to our lives, I swear that's a mystery to me. You with that guitar, tell me, how'd we get here? Nowhere. Mistaken for dancing, tripwires cover the floor. Sex as a secret defense, and love as a border. Thank you. They never say what they mean. So they take us downtown, let us wander around in the light of this two-way dream. Hey, you with that guitar, tell me, how'd she get here? Nowhere. Right where this moment is, the past just ends. This is the part where the unbroken peace of her heart comes in. C'est la première fois qu'ils font leur apparition dans cette émission, enfin qu'il fait son apparition dans cette émission. Greg Copeland, accompagné à la voix de Caitlin Canty, et on écoutait le morceau Mistaken for Dancing, très très beau morceau, tout en douceur, avec une très très belle voix aussi, celle de donc de Caitlin Canty. Au niveau de la programmation, eh bien, de la Culture Fabrique, on en parlait tout à l'heure de la Rocale, à la Culture Fabrique, jeudi prochain, vous aurez le concert de Catastrophe qui viendra présenter son nouvel album Nu. Le jeudi suivant, vous pourrez voir Alfredo Tejada ou Terada. Samedi 17, la Daniva. Samedi 24, c'est le Air Check OOTC Edition. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Out of the Crowd, c'est ça, Out of the Crowd Edition. Mario Batkovic est prévu toujours le 30 avril. Donc apparemment il y a des manifestations qui se déroulent à la Culture Fabrique. Allez voir leur site internet pour plus d'informations. Au niveau de Neumünster, c'est toujours les concerts du dimanche à 11h, les concerts apéro de, le 11 avril, donc la semaine prochaine, sera Redbourg Groups Bridge the Gap. Le 18, Paul Bellardi's Childhood Memories. Le 25, Persuasive. Et puis le 2 mai, le Quartet Synoptique. De nouveau, allez voir le site de l'abbaye de Neumünster, en l'occurrence, pour voir si les concerts sont maintenus et s'ils ne sont pas complets. En arrière-plan, c'est le groupe belge Glass Museum. Ils étaient venus aussi en concert à la Rocale il y a quelques semaines. Et on les écoute avec Nimbus One. We'll be right back. found your hero, wrapped in golden skin. The dark clouds are coming, feel the weight of the wind. If you've got the money, then you can come on in. Just try. Encore une nouveauté qu'on vous propose, qu'on vous proposait à l'instant avec The Long Riders et Down to the Well. Avant cela, je vous rappelle, c'était les Belges de Glass Museum. On les écoutait avec le morceau Nimbus One. Si vous êtes fidèle, si vous avez été attentif, vous savez qu'on a, on doit encore écouter une fois un extrait de l'album de The Search, notre powerplay, aujourd'hui, puisqu'on en a encore écouté que deux. Eh bien, il est grand temps de le faire tout de suite. Au début de son histoire, le groupe The Search était catalogué comme un groupe post-punk du style de Cure, légèrement gothique sur les bords. Depuis lors, le groupe s'est quelque peu dépoussiéré. Il s'est débarrassé de ce style d'extrême obscurité, voire même de tristesse, pour ouvrir les bras au monde de la musique pop, que ce soit la dream pop, la synth pop, mais aussi à peu près tous les arrêts labellisés pop dans l'intervalle. Transformation musicale donc, mais transformation du groupe lui-même aussi, puisque sa composition a subi de profondes réorganisations pour n'être plus constituée à l'heure actuelle que du seul Razmig Tekayan pour la réalisation de cet album. L'artiste a donc lui-même écrit, enregistré et remixé l'album dans son entièreté. Ce fut d'ailleurs déjà le cas pour les deux précédents Someplace Far Away et Away from the Sidelines. Et depuis lors, la situation a encore évolué puisque l'équipe de The Search s'est récemment étoffée avec l'arrivée de nouveaux compagnons musiciens dans le navire. Johan Bernoval à la batterie, Eric Nyberg à la basse, mais aussi avec le retour d'un ancien membre du groupe, Victor Tilwe, à la guitare. Ils se murmurent dans les coulisses qu'ils ont déjà pris le chemin des répétitions. Il faut donc peut-être s'attendre, même peut-être, voire même certainement s'attendre à une nouvelle tournée dès que les circonstances le permettront, ou alors ils sont occupés à préparer de nouvelles compositions musicales. L'avenir nous le dira. C'était donc la petite histoire du groupe The Search qui est mis à l'honneur aujourd'hui dans cette émission Planet Indie numéro 429 avec leur album Hearts Racing. Et on va écouter un troisième et dernier extrait pour aujourd'hui. When the Stars Align, c'est le morceau que je vous ai choisi comme troisième extrait de notre Power Play de ce soir. Power Play. Power Play. Here you come walking, it ain't a surprise, with essential crying, blood tears from your eyes. Play with fire, we'll surely get you burned. How many times we've been through this? This may one day cost too much, girl. Don't put your heart in the hands of strangers before you get to know them. Just common sense, common practice. It was a melody of a famous lullaby about the virtue of waiting for the stars to align. I used to sing it to you when you were very small, so as to not make the same mistakes your old man has done. Don't put your heart in the hands of strangers just because you're lonely. It happened once, happened twice, over and over. Some fall in love too easily, too readily. Shining bright, then just explode on sight. Voilà, on va devoir couper un peu notre powerplay de Search. C'est pas grave, on les réécoutera une prochaine fois. On va se quitter avec Surrender Hill, une autre nouveauté, et le morceau Wanderer. J'étais très heureux de passer ce 429e épisode de Planet Indie en votre compagnie. J'espère que ce fut le cas pour vous aussi. Cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Vous retrouverez aussi le podcast, l'enregistrement sur notre site internet www.ilovemusic.ga. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook aussi. On se retrouve donc le 1er mai pour l'émission numéro 430 de Planet Indie. Je vous souhaite un excellent week-end pascal, j'étais très heureux donc. Prochaine émission en français, ce sera samedi prochain sur cette même fréquence et à ces mêmes heures. D'ici là, bon week-end, portez-vous bien et à dans un mois. I was born a wanderer, I got an itch to get up and go. When daddy first took us on the open road and we headed south to Mexico. Wandering, troubadour in me. on wandering. The landscape outside my window looks like an old friend of mine. I know these roads like the scars on my hands, and both stood the test of time. And although I never made my fortune, the seed of a wandering troubadour in me. Now I thank God that I can carry a tune, and these aching hands can play this here guitar for you. Well, I don't know what tomorrow will bring, where I'll go, how far, or what I'll say. But I know I'll keep on wandering. Wandering troubadour.